Arrêtez! Rideau! Monsieur Molière s'est évanoui. Mais que se passe-t-il? Molière serait-il vraiment malade? Mais oui, il faut le transporter immédiatement chez lui. Il ne peut venir en scène. Je vais en informer le public. Mesdames, messieurs, excusez-nous. Un accident vient de se produire qui empêche monsieur de Molière de venir se présenter devant vous. Notre maître, notre camarade, notre ami, monsieur de Molière est tombé subitement en faiblesse. Il est malade, et peut-être beaucoup plus qu'il ne veut le paraître. Voilà plusieurs jours déjà, que dis-je, plusieurs semaines hélas, que sa santé cause les plus grandes inquiétudes à ses comédiens. Si monsieur de Molière venait par malheur à nous quitter, nous perdrions en lui un conseiller, un ami, dont la bonté n'a d'égal que le génie. Nous ne jouerons pas après-demain, et sans doute le théâtre restera-t-il fermé quelques jours. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur, n'est-ce pas? J'espère encore que monsieur de Molière se remettra. Nous l'allons transporter chez lui, et nous lui prodiguerons tous les soins imaginables. Ce serait une trop affreuse catastrophe si ce grand poète, ce grand comédien, venait à mourir si prématurément. Le théâtre comique ne se relèverait pas avant longtemps de cette disparition. Et le rire français serait éteint, sans doute, pour plusieurs siècles. Excusez-moi. Avant ce fauteuil, Thomas. Eh bien, vous voilà frais, monsieur. Qui avait raison ce matin, vous ou moi? Jamais vous ne voulez m'écouter. Vous êtes bien avancé maintenant. Comment vous sentez-vous? Mieux. Un peu mieux, merci. Oh, quelle figure! On n'a pas idée de se mettre dans un état pareil. Ah, votre théâtre! On ne m'attrape pas. Allons bon. Voilà votre mauvaise toux qui vous reprend. Oh, j'ai la poitrine brisée. Je suis là. Si là, oh ma poitrine, je souffre. Voyons, donnez-moi ce billet. Oh, je ne vois plus, j'ai un voile devant les yeux. La Grange, lisez-moi ce billet, voulez-vous? Il est de ma grande amie, éloignée par un sort barbare. Lisez vite. Le temps de nos épreuves est enfin terminé, Molière. Je ne vous écris pas longuement, car j'ai hâte de vous apprendre l'heureuse nouvelle. Le roi vient d'autoriser mon retour à Paris. Je pars. Dans quelques instants, vous allez me revoir, mon ami, au certes bien changé, bien vieilli, mais avec toujours les mêmes sentiments. Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer de la Providence, puisqu'elle vous rend enfin celle qui n'a jamais cessé de penser à vous et reste votre tendrement dévoué. Elle revient. Quel auteur dramatique prodigieux que celui dont dépend le destin des hommes. Elle revient et je me... Ne dites pas cela, monsieur. Elle revient et je n'aurai même pas la joie de la revoir. Pourquoi faut-il donc toujours, Seigneur, que la vie des hommes soit plus courte que leurs rêves et que le bonheur soit un perpétuel futur? Voulez-vous que j'appelle? Non, restez là, près de moi. Je vais mourir. Vous lui direz que ma dernière pensée fut pour elle, que je meurs d'avoir été séparé d'elle, que j'emporte dans ma tombe le remords d'avoir troublé son existence que j'aurais voulu pourtant faire si belle. écoutez, approchez. Il n'y a qu'un bonheur, voyez-vous, c'est l'amour. Être pauvre, ignoré, mais avec à côté de soi une femme qui vous aime, voilà le bonheur. Moi, j'ai dû suivre mon chemin tout seul, et c'est affreux. Aimer, aimer, le reste n'est rien, croyez-moi, rien. J'ai manqué ma vie. Vous, Molière, vous qui avez écrit des œuvres immortelles. Immortelles, sait-on jamais. Et puis, qu'importe, j'ai bafoué des ridicules et des vices. À l'heure où me voici, je sens effroyablement l'inanité de mes efforts. Et c'est pour moi une douleur sans seconde de penser que si mes comédies doivent être, comme vous le dites, immortelles, c'est à la pérennité des vices et des ridicules qu'elles le devront. Jamais on ne pourra corriger l'humanité. Le théâtre qu'ai-je été faire dans cette galère. Chut. Écoutez, ouvrez la fenêtre, monsieur, ouvrez. Tous les jours à cette heure-ci, les vieux musiciens de Scaramouche me viennent donner une sérénade. Jetez-leur quelques pistoles, je vous prie. Merci. Ils vont ce soir accompagner mon départ avec ce vieil air sur lequel j'ai fait mon entrée voilà 30 ans. Oh, voyez, sur ce rayon de lune qui se glisse dans ma chambre, voici tous les pantins de l'humaine comédie qui viennent me chercher. Entrez, mes amis, entrez. Voici Arlequin qui dérobe la bourse du docteur. Voici Donna Lucrezia qui passe un billet doux à Horatio dans le dos de son mari Polichinelle. Mais celui-ci les a vus et il pleure. Ah, comme il pleure. Que c'est drôle, un mari qui pleure. Voici le capitaine fendant l'air de son sabre de faux brave. Voici Pantalon, barbon stupide qui veut empêcher Colombine d'aimer son Pierrot. Dansez, dansez, Pantin. Voici Isabelle. Voici Mestin. Voici... Oh, voici ma grande amie. Oui, monsieur. C'est elle. Non. Voici... Voici le bonheur impossible. Mon maître, mon bon maître est mort.